Épisode 2. Une méga forbier. Bon, nous voilà enfin arrivés. Allez, sans tricher, avez-vous une petite idée de quelles pourraient être les plantes indicatrices ici? J'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège. Oui, il y a des ronces, mais attention, ce ne sont pas des plantes indicatrices d'un milieu humide. Au contraire, Heracleum spondylium, que vous pouvez voir sur la première photo, en est une. C'est une plante vivace de la famille des Apiacées. Elle présente une inflorescence en cyme, avec la fleur la plus récente aux extrémités. Le saviez-vous que toutes les parties de cette plante sont comestibles? Par exemple, les racines peuvent se consommer en automne et peuvent être cuites dans une soupe, par exemple. Pensez-y, c'est bientôt la saison. Bon, attention, ça pique un peu apparemment. Maintenant, regardez un peu plus près et vous tomberez nez à nez avec Symphytium officinale, de la famille des Boraginacées. Elle présente de longues feuilles ovales qui se finissent en pointe. Si vous êtes dans la bonne saison, vous pourrez sûrement apercevoir ces fleurs sur les tons blanc-rose qui sont regroupées en ce qu'on appelle des cymes scorpioïdes. Son fruit est composé de 4 akènes lisses et brillants. Si vous touchez la feuille, vous sentirez des petits poils raides qui rendent la feuille rugueuse au toucher. Par contre, elles sont comestibles, mais à petite dose, car aux intoxications. Elle a en revanche des vertus thérapeutiques. En usage externe, elle a par exemple des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. En effet, Kenza, le nom commun de cette plante est la consoude officinale. Le terme consoude est apparu vers 1265 et vient du bas latin consolida, dérivé de consolidare, qui signifie consolider, raffermir, en raison de ses vertus à cicatriser les plaies et à consolider les fractures. Vous pouvez désormais continuer le chemin et vous rendre à l'étape 2, une zone où il y a une autre mégaphorbier. Une fois que vous y êtes, appuyez sur l'épisode 3.